joli cigare, mon amant. Écoute les cloches qui sonnent, nous nous aimions éperdument, croyant n'être vu de personne. Nous nous aimions éperdument, croyant n'être vu de personne. Mais nous étions très mal cachés, car toutes les cloches à la ronde nous ont vu du haut des clochers et le disent à tout le monde. Nous ont vu du haut des clochers et le disent à tout le monde. Demain Cyprien et Henri, Marie et Ursule et Catherine, la boulangère et son mari, et puis la Gertrude, ma cousine, la boulangère et son mari, et puis la Gertrude, ma cousine, souriront quand je passerai. Je ne saurai plus où me mettre, tu seras loin, je pleurerai, et puis j'en mourrai peut-être. Tu seras loin, je pleurerai, et puis j'en mourrai peut-être. Mon amant, écoute les cloches qui sonnent. Nous nous aimions éperdument, croyant n'être vu de personne. Nous nous aimions éperdument, croyant n'être vu de personne.